Enchaîne avec une nouvelle doublette française, avec tout d'abord Nihilens, formation death metal qui nous vient de région parisienne, une nouvelle très bonne découverte, Grid Den Records, excellent label. Nihilens, voilà, on est sur du pur death tradi, Graceless Planet, c'est le nom de leur tout premier effort studio. Longue durée. Au niveau du line-up, on retrouve surtout monsieur Thomas Henquin, bien connu pour être un putain de cogneur de la scène black metal francilienne, hein, notamment au sein de Merrimack, Ritualization. Il a même fait des sessions avec Anteus et Osculum Infame. Voilà, histoire de vous peindre un peu le tableau des parties de batterie. Voilà, Nihilens, premier effort studio longue durée. Et en doublette, on écoutera une autre nouveauté dans l'aspect française, Au-delà. La formation qui sort son tout premier album studio intitulé Sentence, un chant et des textes en français pour Au-delà, pour cette, forcément avec un nom comme ça, un power trio black metal qui nous vient de Belfort. Le groupe a vu le jour en 2013, un premier EP est sorti en 2017, participation à un split en 2018, et donc là c'est le tout premier album longue durée. Et au sein de ce line-up de Au-delà, on retrouve deux membres de Malevolentia, qu'on vous a diffusé il y a quelques temps, à savoir tout simplement la section rythmique, et voilà, un autre guitariste qui complète le line-up, et c'est le bassiste qui tient également le micro dans Au-delà, et à savoir que ce bassiste est également actuel batteur dans Sacrificer, en plus de participer à Malevolentia. Sacrificer, c'est très très bon groupe de revival heavy speed français. Musicalement, où est-ce qu'on se situe? Eh ben, Au-delà nous fait un BM plutôt bien inspiré. Titre de 5 à 10 minutes, une prod plus que correcte. La basse d'ailleurs ressort de manière super intéressante pour le black metal qu'il pratique. Donc, comme je disais, des textes en français. C'est pas forcément hyper original, mais c'est putain de bien fait, et c'est français, donc voilà, c'est pour ça qu'on soutient et qu'on diffuse cette nouvelle production française. Nihilens, le titre Antitaille, est dans la foulée Au-delà, avec le titre Par le feu, le fer et la corde, premier extrait de leur premier album, Sentence. We'll be right back. On quitte donc l'aspect française pour revenir à la diff internationale avec une doublette de nouveautés avec un groupe que j'affectionne particulièrement et qui, ma foi, sort encore une nouvelle régalade studio, The Flight of Sleipnir. C'est une formation ricaine. Musicalement, on est sur un espèce de doomstoner à moitié psychédélique. C'est déjà là leur 7e album studio. Et la particularité supplémentaire, parce que bon, on se dit, ouais, bon, un groupe ricain qui fait du doomstoner, qu'est-ce que ça a de ouf. Et ben bon, au-delà que musicalement ça envoie, c'est tout simplement que les lignes de chant, c'est du black metal. Donc on est sur un espèce de black net doomstoner. Forcément, on peut rapprocher ça d'un Agaloc. Et bon, mais si forcément musicalement c'est beaucoup moins bourrin, hein, mais au niveau du chant, c'est assez similaire. Et. Une autre particularité, The Flight of Sleipnir est signé sur les labels allemands Eisenwald Records, et eux ils sont beaucoup plus spécialisés sur du Pagan Black que sur du Doomstoner. Donc voilà, The Flight of Sleipnir nous propose un métal ultra bâtard, ultra qualitatif, c'est ce qui fait clairement leur richesse, et en doublette on les écoutera avec une autre nouveauté, Ghastly. J'en parlais au tout début de l'émission. Ghastly, c'est quoi? Une nouvelle sortie 20 Buckspin Records, puis alors encore une fois c'est un label qui a vraiment le nez pour flairer l'underground hautement qualitatif. Voilà, le label privilégie vraiment la qualité à la quantité, et c'est tant mieux. Il y a quelques temps, en février, on vous a diffusé Gravesend. Au mois d'avril, WO2, et là, Ghastly déboule pour le mois de mai, l'album sort tout bientôt. Un power trio de nouveau, du death metal finlandais qui nous balance du death old school européen. Le groupe a vu le jour en 2011, un line-up sans Icos forcément connu. Voilà, en plus de leur death old school, on a quelques petites touches psyché à tendance hypnotique. Enfin voilà, du coup au niveau des ambiances, il y a beaucoup d'alternance qui rend la musique extrêmement dynamique. Voilà, Ghastly, une formation à suivre de près. The Flight of Sleipnir, nouvel effort studio Eventide prévu le 28 mai chez Eisenwald Records. On s'écoute le morceau Thau. Ghastly, Death qui nous vient de Finlande, l'album sort chez 20 Buckspin Records le 28 mai, Mercurial Passages, et on s'écoute le titre Out of the Psychic Blue. C'est parti. la suite qui nous rapproche déjà de la fin de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'on est à l'avant-dernière doublette. On va s'écouter une formation qui nous vient d'Indonésie, du Black Atmo, Valendusk. Ils sortent leur nouvel effort studio Heralds of Strife. C'est le quatrième album studio pour cette formation venue directement de Jakarta. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est la deux ou troisième fois qu'on vous en diffuse du Valendusk. Une sortie Northern Silence Production. L'album est déjà dispo. Et une petite nouveauté ensuite, Vulture. Vulture, c'est absolument parfait. Un groupe de speed, heavy speed allemand qui sointe les années 80 à fond de cale. Zéro nouveauté, zéro renouveau. Forcément, zéro nouveauté, zéro nouveau. Mais c'est putain de bien fait. On est clairement catapulté dans l'enfer des années 80 et du heavy speed. C'est absolument parfait. Un chanteur qui va taper super haut dans les aigus. On est exactement dans la même veine qu'un Evil Invaders. Voilà, groupe formé en 2015, premier album en 2017, puis 2019, et là le troisième à paraître, eh bien là, tout récemment. Donc voilà, Vulture, c'est que du bonheur pour les oreilles. Valendusk, Immemorial in Internal Slumber, Vulture, une sortie Metal Blade Records, l'album s'appelle Deal in Death, on s'écoutera le titre Malicious Souls, c'est parti. Dernière doublette pour l'émission d'aujourd'hui, mais on aura encore le temps de se passer un petit truc bien débile avant de se quitter. Tout d'abord, les vétérans du trash death floridien Solstice qui nous sort un excellent Casting the Die. Très très bon retour pour les ricains de Solstice en studio. Et dans la foulée, Clandestine Blaze, ça c'était une nouveauté de la semaine dernière. One Man Band du chanteur de Deathspell Omega. Toujours, bien évidemment, le finlandais Mikko Aspa. Nouvel effort studio, il a déjà, me semble-t-il, une belle discographie sous le nom Clandestine Blaze. Hein, je crois que c'est le 2, 4, 6, 8, 10, 11e album studio, Secret of Laceration. Clandestine Blaze, voilà, on a fait une belle présentation la semaine dernière. Embellishment Exposed, le titre pour Solstice, Clandestine Blaze, Disaster the Remains of Prophet, et c'est parti. Complete. I'm relenting. Sound of fury.

Et voilà le dernier titre pour l'émission d'aujourd'hui, histoire de clôturer ma foi tout en beauté. Traumatomy, excellent groupe de brutal slam death japano-russe. Extirpation Paradigm, nouvelle sortie sur le label Gorehouse Production. Et on se quitte avec le très bon Patterns of Tyranny. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à dimanche prochain. Ciao, ciao.